pour prendre. Ouais, ouais. C'est pour l'équipe, le rituel, noir si faux, triple entente. T'inquiète. On arrive de nulle part, et ouais on a des nuls pires. Parti de rien au compteur, le mal sonore est transmissible. Triple entente noir si faux, déchiré quand il faut. Sur le beat nuire ça le fait, on est toujours anti-faux. Comme taf je rêve de construire, un peu comme Gustave Eiffel. J'ai fait des kilomètres pour dire, alors connard des Gustave Eiffel. Qui vient te menacer, le rituel et ses munitions. Avec ce featuring, tu le sais qui mène ici. Personne ne va m'annoncer, pourtant le beat je manie ça. Accompagné de mes rimes, l'envie de croquer je l'ai aussi. La spi vient de la rue, on va en route pour trouver les phases. On dévoile nos idées noires pour un jour trouver les falches. Souvent cataloguer le discours qu'on rejette les armes. Attendu comme GTA, j'suis pas là pour sécher tes larmes. J'ai souvent les pensées sombres, mais surtout les clés en main. J'ai noirci comme mon coin, le train c'est pas l'Oklahoma. Les problèmes s'entassent et on nous parle de tolérance. L'argent salit mes potes, mais souvent la tolérance. L'arvalo, j't'ai déjà dit, j'vais remettre le luxe aux normes. Avec les frères, on casse les côtes aux anciens comme luxe sonore. Souvent déçu comme quand on m'a dit que ta farelle. Le rapé qu'il a fait, son jubilé comme ta farelle. Tu frappes Matleski, t'es un bolos comme McLesky. J'ai pris mes distances avec la police, tu peux m'appeler Sting. Le rap c'est pas pour toi, va penser à un recyclage. Et pendant ce crédit disent que le cul de ta recyclaque. C'est pas les mille et une nuits, t'es pas à grabataire. Dans mon 9-3, et tu vas finir grabataire. Pas de cliché, c'est pas parce que t'es noir que le riz tu aimes. T'as peur du rituel, fallait pas me dire que l'on rituel. Émerger, juste envie d'émerger. À trop patauger, j'en perds mon énergie. J'ai semé les graines dans le potager, rien n'a germé. Mes potes agissent, y'a peu de partage, donc forcément on s'énerve vite. Hélas, on va plus au canal de jardin. Et là, je crée le trouble, je me révolte. Pour couper le trou de mon agenda, j'ai passé l'âge ingrat. Dans ma neige gris et à jage gratte, faut qu'on agisse sans enjeu, je gratte. Arrête ta valse, tu flambes en gros. Personne peut me calmer, sauf un petit air de femme et go. Tu peux dire que je m'enflamme gros. Le rituel noir s'il faut, tripentante, dissipée, ça croit, j'suis l'homme. C'est pour notre rap qu'on fait des bornes. À trop courir, l'espoir nous berne. À neuf taf, noir s'il faut, les troupes sans tête. Et noir si feuille sur feuille, suite le rituel, ça paye pas de mine. Dispo prod jusque Paname, c'est Michto, t'écoutes sa fort. Sors de sa chambre, couvre sa porte. Noir si faux, triple entente. Regarde les fêtes, écoute sa porte. C'est pas grave si j'suis plein de dettes, sorti de nulle part. Calife mystère, tout l'effectif c'est le blind test. Nouveau morceau qu'on offre aux frères, tous réceptifs, même au bain mec. Mais mon rap tête, cette connexion, et mon rap pète, et comme elles sont. Même ma reine sera pas déçue de ce qu'on confectionne. On sort des buissons, dès que les qu'un fil s'éloigne. On j'tarde pour homicide, si j'étais le père de Lindsay Lohan. Dans le tromé, deux beaux poches à porte de Saint-Cloud. T'étonne pas, qu'on ait la force de Saint-Cloud. Mes textes voient le jour au TX, pas au but Chaumont. On se bute trop mon, la laine elle pue le saumon. Les keufs sont pas drôles, c'est des Manu paillettes. Mais faire leur ronde chez nous, c'est traverser le Danube à Yep. On aime l'ironie trash, les œufs de Chiro qui dasse. Et les poucaves, cloués sur un lit d'hôpital. On a grandi avec des rêves qui n'avaient rien d'époustouflant. Se débarrasser de la galère, ne raconte pas que tout se vend. On a compris que la banlieue était spéciale. Que les bavures de policiers se répandent plus que la pestale. Que les gens se barrent, fin des études et leur c'est fait. Parce que le bac dans le 9-3, ça lie à jamais leur CV. Comment veux-tu te sentir à l'aise quand on te recale de toutes parts et que le seul moyen de s'exprimer reste l'écriture de 16 bars. C'est à 9 de la TE et depuis peu c'est mis bas terre. J'ai 24 ans, j'attends toujours que mes galères arrivent à terme.